Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 50. Des parties subjectives de la prudence. Prudence gouvernementale, politique, économique, militaire. 1. L'art de gouverner est-il une espèce de la prudence? Il est manifeste que, pour un chef qui n'a pas seulement à se diriger lui-même, mais qui doit encore régir l'ensemble d'une cité ou d'un royaume, il existe un genre spécial de prudence. Toute direction, en effet, est d'autant plus élevée qu'elle est plus générale, soit par les objets qu'elle embrasse, soit par le but qu'elle se propose. De là vient que le souverain, qui a pour mission de bien diriger la cité ou l'État, a besoin d'une prudence spéciale et très parfaite, appelée par Aristote prudence royale ou gouvernementale, il l'a fait apercevoir surtout dans les lois. 2. Y a-t-il une prudence que l'on doive appeler prudence politique? Les serviteurs sont mus par les ordres du maître et les sujets par ceux du prince, de telle sorte qu'ils se meuvent aussi eux-mêmes par leur volonté propre. Or il leur faut une certaine rectitude de direction dans l'obéissance qu'ils doivent à leur supérieur en vue du bien public, et c'est là ce que nous entendons par prudence politique. Note. La prudence politique ou civile est à la prudence gouvernementale ce que l'art de l'ouvrier est à l'art de l'architecte. Par la prudence proprement dite, l'homme se dirige lui-même dans l'ordre de son bien personnel. La prudence politique envisage le bien commun. Fin de la note. 3. Y a-t-il une prudence économique? Parmi les différentes espèces de prudence qui se rapportent à la direction de la multitude, dit le philosophe, l'une est économique, l'autre politique, l'autre législative. La famille est une partie de la cité ou du royaume, comme l'individu est une partie de la famille. La prudence qui dirige l'individu étant autre que la prudence politique, il faut pareillement que la prudence économique qui préside au foyer domestique se distingue de l'une et de l'autre. Note. La prudence économique a pour fin de faire vivre honnêtement la famille, les richesses sont pour elle une sorte d'instrument, et non pas une fin dernière. Fin de la note. 4. L'art militaire est-il une espèce de la prudence? Il est écrit au livre des Proverbes, 24:6, c'est l'habileté qui conduit la guerre. Le salut est dans le conseil. On peut en induire qu'une espèce particulière de prudence est nécessaire dans la guerre. La nature, que l'art et la raison doivent imiter, tend à un double but, à régler chaque créature en elle-même et à repousser les ennemis extérieurs, de là, dans les êtres animés, outre la faculté concupiscible, la faculté irascible. De même, dans la société, tandis que la prudence politique dispose ceux qui regardent le bien général, il faut une prudence militaire pour repousser les attaques des ennemis. Note. Dans l'art militaire, qui a pour but de protéger les intérêts généraux d'un État, le courage, en ce qui est de l'exécution, occupe la première place, mais la bonne direction, surtout dans le chef de l'armée, vient de la prudence. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.